Patricia, si tout ça est vrai, si tu t'en vas, je crois bien que je m'en mettrai pas. Patricia, si tu t'en vas, tous les deux, nous étions les plus beaux amoureux et nous avions tout pour être heureux, tous les deux, amoureux. C'est fini, tu me dis que c'est ainsi, c'est la vie. Que tu te sens si heureuse avec lui, ma chérie, c'est pas la vie. Je pensais que nous allions nous fiancer et peut-être même nous marier. Chanteur, auteur, compositeur, un jeune talent qu'on dit prometteur, ce crooner, compositeur. Patricia, je peux en faire aussi un, tu veux voir des chansons à deux balles pour Nana. Patricia, ne t'en va pas, Patricia.